Ada le Fol, étranger, s'est retourné sur son passé. Les choix sont douloureux et l'abandon bien hasardeux. Et puis, toutes tes réussites n'étancheront jamais ta soif de lumière. Il convient alors de laisser au hasard une place suffisante pour que l'essentiel, la merveille, puisse encore survenir et nous apprendre le ciel aux couleurs de saphir. Il était marin sans bateau et puis bateau sans équipage. La poésie n'est pas vendable et la folie irraisonnable. Le Fol s'est avancé, la fièvre aux tempes, il écoutait. Deux chiens hurlaient dans une cour, la lune irisait les pavés, comme l'oiseau fou de lumière, à la recherche de son vol. Il se perdait dans un dédale, ne sachant déployer ses ailes. À la frontière de la mort brille une étoile, vers le nord, en ce pays de grands naufrages, où se rassemblent les contraires, les idées tremblent en mirage et se consument d'étincelles. À trop défendre un cœur de pierre, on se noiera dans la spirale. Ada le Fol est arrivé aux portes de la cité. La ville lançait ses artifices, baignée de soleil dialectique, éclairant des âmes perdues dans la puissance de leurs murailles, se reflétant dans leurs miroirs, au point d'en devenir cynique. Il était nu sur le trottoir, c'était l'homme noir dans les rues. Il ne parlait qu'à des fantômes, dernière image de sa conscience. Son corps se courbait sous l'horreur et sous le poids de sa mémoire. En ce désert d'amitié, la solitude était déjà son allié. S'est éloigné de la cité. Il crève les yeux de sa conscience et leur glaciale lucidité. Parti en quête d'une muse, il veut se retrouver enfant, vivant le monde dans l'insouciance et le goûtant à pleines dents. Il brise la chaîne des pensées qui le séparent de ses rêves et il ne garde pour tout regard que le miroir de sa vie. Miroir étrange et polymorphe sur lequel sans s'y attarder, les alouettes se démaquillent et nous dévoilent leurs secrets.